بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, ma commencé traduction conférence Cheikh Abdullah Al-Bukhari. Cheikh Abdullah Al-Bukhari, c'est un chouyouk qui retenait la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la ville de Médine, Al-Madinatu Al-Munawwara. Et c'est un chouyouk qui était étudié. L'été grandi dans la ville ça, et puis l'a étudié avec tout grand savant de Médine. Depuis l'été jeune, hein, l'été commencé à étudier religion avec papa, l'été mémorisé Coran, et après l'été mémorisé et apprendre en pile dans religion avec grand savant qui t'a enseigné dans la mosquée prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans l'université islamique là, son docteur lié et son savant tout. Donc c'est son grand cheikh qui étudie avec en pile nan grand chouyouk yo. Donc son savant que nous remet en pile et que nous respecter en pile, et en même temps c'est yon nan professeur qui a enseigné nan université islamique là dans Médine et qui nan faculté de hadith. Donc son spécialiste dans science hadith yo. Et frère yo qui organise conférence ça, qui organise séminaire ça, qui cap traduit en pile langue, en anglais, en créole et ainsi que dans d'autres langues. Donc yo pral traduit et puis moi-même m'a traduit en créole et en particulier en créole haïtien. Donc qui ça m'a fait m'a en même temps que m'a écouté conférence cher là, m'a essayé traduit simultanément pour by nous en résumé et puis en explication de qui ça cher là expliquer dans conseil lien. Et donc au début tout ça avant yo gain habitude pour yo glorifier Allah Azza wa Jal et puis pour yo demander Allah Azza wa Jal pour le béni prophète là, puis pour le béni tout sahaba yo, tout musulman yo. Et ensuite les commencer conférence liant, et puis ça l'expliquer, il dit que rencontre ça, hein, c'est un groupe de frères qui t'ai conseillé, qui t'ai demandé cher là pour yo organiser conférence ça. Et ils ont tous réuni, y a tendé ensemble belles paroles yo que l'a expliqué des paroles d'Allah et des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et y a enjoint l'une l'autre le bien et l'obéissance d'Allah azza wa jal, y a encouragé tête yo l'une l'autre dans le bien et dans l'obéissance d'Allah, et il a mentionné Allah Azza wa Jal, il a fait dhikr, il a rappelé tête de Allah Azza wa Jal. Et genre de rencontre ça yo, c'est rencontre qui très bénéfique, et nous demander Allah Azza wa Jal pour le béni rencontre ça yo, et qui et pour le remplir toute rencontre ça yo de en pile bien et en pile bénédiction pour musulmans yo, et pour yo ba nous succès. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui-même qui gagne pouvoir sur toutes choses. Et ensuite mes chers frères, son bail qui pas inconnu de n'importe quel musulman qui satisfait de Allah Azza wa Jal en tant que seigneur li, et qui satisfait de l'islam en tant que religion li, et qui satisfait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète li, que cette charia qui purifiée par Allah azza wa jal, eh bien li régler tout affaire serviteur yo, et li son charia, son loi que Allah azza wa jal t'a révélé, qui expliquer et clarifier toute affaire en croyant. Tout ça le besoin dans la ville. Dans toute bagaille dans la ville, que ce soit la croyance ou l'adoration, ou bien les interactions avec l'autre, ou bien la conduite, genre la comporter, et non affaire qui public ou général, de même que dans affaire qui personnel, gon clarification non religion pour le con qui gens pour agir dans toute bagage ça yo et dans toute affaire ça yo. Allah azza wa jal dit dans le Coran ma farratna fil kitab min shay, c'est-à-dire que Allah azza wa jal li pas négligé en rien dans livre ça, c'est-à-dire que dans le Coran li expliquer nous tout règlement, toute instruction ça nous t'ai besoin connaître pour nous connaître qui gens pour nous vivre bien. Et les sahaba compagnons prophète là yo te comprendre réalité ça parfaitement. Compagnon prophète là sallallahu alayhi wa sallam yo comprendre ça extrêmement bien, et c'est peut-être ça que yo pas fait aucun jugement dans la question de la vie excepté en cherchant un principe ou en parole parmi parole prophète là. Tout ça yo fait yo basé tête yo sous sa prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. À partir de qui ça Allah t'a révélé prophète là sallallahu alayhi wa sallam, soit dans le Coran ou bien soit dans la Sunna. Et tout monde qui t'est hérité de religion ça et qui t'est recevoir religion parmi élève compagnon yo, ça nous relait tabi'in yo, c'est-à-dire tout élève compagnon prophète là sallallahu alayhi wa sallam, eh bien yo hérité de religion dans même yo suivent même méthodologie a, yo pas changé méthodologie a, parce que yo t'est tout connaît que la meilleure guidance c'est guidance prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam, et cheikh l'a dit pagon bien que nous ka atteindre excepté que ces prophètes là sallallahu alayhi wa sallam qui t'est venu à vel. Et donc compagnon yo te comprendre ça, ainsi que tout monde qui suivent prophète là et qui suivent compagnon yo comprendre principe ça très bien également. Et tout l'autre monde qui vini après yo et qui suivent même méthodologie a, et qui emprunte même chemin avec yo, yo tout comprendre principe ça, que dans tout ça n'a fait dans vie nous les musulmans nous y faut nous baser nous sur ça Allah azza wa jal t'est révélé dans le Coran et sa prophète là sallallahu alayhi wa sallam t'est clarifié dans Sunna, ainsi que le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Allah azza wa jal t'est voyé avec le comportement le plus noble. Pas un comportement qui est plus noble que comportement prophète là sallallahu alayhi wa sallam, et lui montrer nous plus bel comportement que un être humain a gagné, ainsi que prophète là t'a interdit nous tout ça qui contredit bon comportement dans en personne. Donc tout ça qui bon prophète là ordonné et tout ça qui est mauvais prophète là sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit lui. Et si vous méditez dans ça Allah azza wa jal t'a dit dans le Coran dans le verset Coran ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pourrez joindre ça très clairement, vous pouvez ça bien bah principe ça bien clarifié, et vous pouvez avec deux yeux. Allah azza wa jal ordonne nous dans le Coran pour nous adopter un bon comportement, et il incite nous pour nous gagner un bon comportement. Et si Allah azza wa jal ordonne ou et incite ou pour gagner un bon comportement, et si Allah azza wa jal t'a ordonné ou et l'y incite ou pour gagner un bon comportement et pour adopter une noblesse dans le comportement ou, eh bien ça sont preuves que bagay ça sont adoration liée pour Allah azza wa jal. C'est-à-dire que là où adopter comportement, bon comportement islamique là, eh bien, ou adorer Allah Azza wa Jal, là où fait ça. Parce que l'adoration, l'y impliquer principe ça. L'y impliquer que ou adopter un bon comportement. Et vous pouvez joindre en pile dans le texte religieux, dans le Coran, ainsi que dans le Hadith, qui ordonne nous pour nous adopter une série de bels comportements et qui montre nous en même temps bien fait. Là où on a adopté bel comportement et que yo agit bien et que bagay sa son bay ki glorifié par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal te dit à propos de prophète là sallallahu alayhi wa sallam dans sourate Al-Qalam, wa innaka la ala khuluqin azim. La padre ce prophète là et puis là li dit ou même certes ou gen un bel comportement, un comportement immense. Et là n'a traduit terme en français, là n'a dit comportement en arabe, son terme qui beaucoup plus large que comportement en réalité, parce que le terme en arabe c'est al-khuluq. Aussi nous dit al-akhlaq, c'est le pluriel al-akhlaq. Et donc al-khuluq c'est les bonnes manières, le bon comportement, la noblesse de caractère, toutes les belles qualités qu'un être humain peut posséder, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé et il est venu pour le parfaire. C'est-à-dire, il est venu pour améliorer et pour corriger la noblesse du comportement. Donc ça, c'est un bagage qui est encouragé dans l'islam. Et prophète là, c'est ton exemple par rapport à tout ça qui relie au bon comportement. Et Allah Azza wa Jal lui dit dans surat al-Nahl, « Inna Allaha ya'muru bil-adli wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba wa yanha anil-fahsha'i wal-munkari wal-baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaroun. » C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal lui ordonne la justice ainsi que la bonté, la bienveillance. Wa ita'i dhil-qurba, c'est-à-dire pour nous bailler au monde pour mon nan famille nou yo qui pauvre, là yo pa gen manger ou là yo pa gen l'argent pour nous aider yo. Et en même temps, il dit que lui interdit les turpitudes, la débauche, ainsi que les péchés, le mal, ainsi que la transgression et l'injustice. Et c'est à ça que Allah Azza wa Jal exhorte nous. C'est à ça que Allah Azza wa Jal a exhorté nous. Et libaye nous exhortation pour nous cas souvenir de ça Allah Azza wa Jal t'a ordonné nous. C'est pour nous cas rappeler tête nous des principes sérieux. Et dans Sourate Al-A'raf, Allah Azza wa Jal a pas adressé prophète là et puis il dit dans verset 199 un verset dans lequel il dit khudh al-'afw wa mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Yani, c'est-à-dire khudh al-'afw. Yani, faut l'homme moun ab agi mal avec a transgressé ou bien li mal li agi d'une façon incorrect avec vous, pardonnez-le. Pardonnez mounna. Léon moun interagit avec vous, et puis il fait les bons comportements qui pas correct. Yanni fait faux ou gain, yanni faut pardonner mounna. Et en même temps, il dit, pour nous ordonner, ça qui est convenable. Et ensuite, il dit, et rete loin, éloignez-toi tout de monde qui ignorant. Donc, verset ça, son verset qui gagne pile, leçon là-dedans. Et Cheikh Lam pral expliquer en détail. Même si, ouais, verset A, il n'est pas long. Son petit verset, mais leçon que nous qu'a tiré dans verset ça, c'est une leçon qui est immense, qui est très grande. Et vous pourrez aller dans l'explication que Cheikh Lam pral mentionné à propos de verset ça. Verset 199 dans Sourate Al-A'raf. verset ça, son verset béni dans Sourate Al-A'raf, et son verset qui est très important par rapport aux questions de comportement dans l'islam. Et grand cheikh parmi Shuyuyo qui écrit un tafsir qui est extrêmement bénéfique, et c'est le tafsir de Cheikh Saadi, et Cheikh Lan lui-même lui pral mentionné ça, Cheikh Lan dit dans tafsir lien. Et puis m'a traduit pour nous ça, Cheikh Lan dit dans tafsir lien à propos de verset ça. Donc Cheikh Lan lui mentionne tafsir verset ça, explication verset ça. Et Cheikh Saadi lui explique dans tafsir lien à propos de verset ça. Il dit que ça son verset qui réunit tout principe qui relie avec le bon comportement avec les gens, avec l'autre monde, qui gens pour nous agir avec yo. Et comment pour nous interagir avec l'autre. Donc nous avons un devoir et son obligation pour nous les n'a pas interagir avec l'autre monde pour nous faut nous indulgent avec yo. Faut nous pardonner yo. Les yo mal yo agit mal avec nous, faut nous gain indulgence envers yo et faut nous pardonner yo. Inam ma samahat bihi anfusuhum wa ma sahala alayhim min al-a'mal wa al-akhlaq. Donc Allah azza wa jal il est pas obligé nous pour nous faire un bagage qui est en contradiction avec tempérament nous bien personne ou avec nature nous, mais faut nous reconnaissant envers tout le monde qui agit bien envers nous, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les actions qui belles, les yo parler bien avec nous ou bien les yo bien agir avec nous, eh bien nous reconnaissant et nous remercier moun sa yo. Et si on moun agit avec nous d'une façon qui en delà de ça, c'est-à-dire que yo pas agi bien ou bien yo pas agi gens yo t'a supposé agir avec nous, eh bien nous passer par-dessus manquement yo et limitation yo et nous fermer genoux devant défaut yo, les yo gen défaut, et nous pas enfler tête nous avec orgueil devant ça yo qui plus petit que nous, que ce soit plus petit que nous parce que yo gen moins l'âge avec nous, ou bien plus petit que nous parce que yo gen position ou un statut qui plus bas passé par nous. Et là, donc nous pas agir avec orgueil envers petit yo, ça qui plus jeune passé nous, qui plus petit passé nous, et puis moun qui gen moins intelligence passé nous, même gens avec ça nous pas yali, nous pas agir mal avec yo. Et laissons moun qui pauvre, nous pas dénigrer moun nan parce que li pauvre, mais nous agir avec tout moun avec douceur. Et laissons moun fait nous un bagay qui implique que yo soit yo manqué nan comportement avec nous, yo pas agir bien ou bien yo essayer dénigrer nous, eh bien nous agir avec yo avec un genre de pardon. Et nous fermer genoux devant défaut yo. Et nous agir avec moun yo selon situation en tout. Et nous voyons qui ça qui a mené on bien qui plus important. Si vous voyez que ça qui plus bénéfique, les hommes n'a pas agi avec vous. Ou est que si vous agissez avec lui d'une façon son bagage qui pourra le mener en plus grand bien, eh bien agis de façon ça avec lui. Et si vous voyez que faut agir avec lui d'une autre façon, selon façon que lui agit avec vous, et que lui pral ramener un bien qui est plus important, et que situation a pas vienne aggraver ou bien dégénérer, eh bien faut agir avec sagesse avec mon nom. Et elle dit wa mur bil urf, c'est-à-dire agir avec mon selon ça qui connu, ça que tout le monde connaît que sont bien liés, que ce soit dans les paroles ou que ce soit dans les actions, c'est-à-dire avec bonne mœurs. Ça moun gagne tant que coutume qui bon yo et qui en accord avec l'islam. Si moun gagne bon comportement, eh bien faut reconnaître bon comportement Il faut agir avec eux, avec bon comportement tout. Et donc ça, c'est un comportement qui complet et qui parfait avec monde qui proche dans famille ou bien monde qui éloigné, qui étranger que vous pas connaît. Même si c'est étranger, ou pas agir bien avec eux. Et si c'est monde qui proche, ou pas agir bien avec eux. C'est même bagaille. Et Jean, moun a pas agi avec eux, si eux agi bien, eh bien ou va remettre yo le bien que y a fait. Si eux agi bien avec eux, ou va pas agi bien avec eux. Soit que ou pral enseigner yo, si ou gon science que ou gon connaissance que moun yo pas gain, ou éduquer yo, ou enseigner yo. Ou bien ou inciter yo pour yo faire le bien. Ou inciter yo pour yo kembe relation avec proche yo, avec famille yo pour yo pas briser lien de parenté. Ou inciter yo pour yo gain bon comportement envers parents yo, pour yo respecter parents yo. Ou ou essayer réconcilier les moun gain dispute, les moun gain conflit entre yo même, ou faire réconciliation. Ou essayer arranger problème yo. Ou bien ou essayer ba un bon conseil. Ou bien ou ba un bon opinion pour aider moun yo le yo gen conflit, le yo gen dilemme, yo pa konn ki bagay pour yo choisi. Ou ba yo bon conseil, ou ba yo bon opinion. Si son moun ki gen on spécialisation hein nan sujet ou on expertise nan bagay et ou konnen sak bon pour un moun, ou ba li bon opinion, ou ba li bon conseil. Ou apedel nan sa ki bon, ou apedel nan la piété, nan la foi. Et si son moun ki fè un bagay ki l'aide, ou réprimandel et ou oriente li pou l'obtenir sa ki pral mene un pi grand bien pou li, soit nan question religieuse, nan question nan religion, ou bien sa ki relie avec la vie d'ici-bas. Ou pral essayer orienter moun yo pou yo ka gen sa ki pi grand bien nan religion ou bien nan bay de la vie. Et en même temps li verset an li vin expliquer que le ou ap interagir avec moun ou pa gen choix des fois que ou pral gen moun ignorant ki pral vin offenser ou bien ki pral vin agir avec ou d'une façon qui est incorrecte parce que c'est ignorant yoyé. Mais Allah Azza wa Jal nan verset ça li ordonne nous que les nous rencontrer moun ignorant sa yo nous pas bayo importance, nous détourner tête nous et nous pas commencer entrer avec moun nan pour nous agir en ignorant même gens que y a pas agir avec nous. Moun nan son ignorant lié, ignorel. Et ki te lap di bêtise avec bouche li, la peseye offense ou, la peseye insulte ou, pa rentre nan ignorance li. Détourne tête ou, hein, éloigné ou de moun nan. C'est peut-être ça Allah Azza wa Jalla li di nan verset a, wa a'rid 'anil jahilin. Hein, éloigné tête ou de ignorant yo. Donc si gon moun ki vini pour l'offenser ou pour l'insulter ou bien pour le mal agir avec ou, soit avec parole ou bien avec action, pas rentrer dans ignorance li, pas commencer rentrer avec même gens ça l'a fait l'a insulter ou pas commencer insulter le tout. Ignorer, détourner tête tout. Hein, fait chemin ou et pas occuper le. Ou pas avoir l'importance. Et si on moun privé ou d'un bagay ki c'est droit ou lié, eh bien pas privé de droit li. Et si on moun par exemple yon nan famille ou on moun nan famille ou li coupe relation avec ou, eh bien ou même pas coupe relation avec elle, continuer kenbe relation avec li même si moun nan a rejeté ou bien la coupe lien yo avec ou, parce que ou connaît que coupe relation familiale yo son grand péché lié, son bagay ki grave. Et il dit woman zalamaka fa'dil fi. Si un moun agi mal, li fait injustice avec ou même pas fait injustice avec lui, agi avec lui avec justice. Donc ça, c'est ça, Cheikh l'a expliqué à propos de verset ça. Nous, un verset à pitié, mais là, nous comprendre verset comme il faut, nous réaliser que verset en grand pile, leçon là-dedans, en pile enseignement là-dedans, qui est extrêmement important pour un musulman. Et s'il adopte comportement ça, l'a bien guidé dans la ville. L'a écarté de en pile mauvais, en pile de baga qui mauvais pour lui. Donc ça, c'est ça, Cheikh l'a expliqué. Ensuite, Cheikh l'a expliqué verset 1 encore. Donc ça, c'est fin de explication tafsir Cheikh al-Sa'di. C'est ça, l'expliquer à propos de verset ça. Ensuite, Cheikh Abdullah al-Bukhari continue explication lui. Il dit tafsir ça. Explication verset ça de Cheikh Saadi à propos de verset dans Surat Al-A'raf 199. Liba nous ont dit explication résumée avec expression qui est très résumée mais qui remplit de sagesse et avec petites paroles qui coûtent mais qui ont en pile force là-dedans. Il fait vous comprendre importance verset ça. Et que ils sont résumés de tout principe bon comportement islamique que vous supposez gagner avec l'autre monde et qui gens nous supposer pour nous agir avec l'autre monde. Il dit accepter, faut gagner indulgence et patience avec monde et ordonner ça qui est en accord avec les bonnes mœurs, bon comportement yo, belles paroles, belles actions, même si sont monde qui que vous connaissez. On moun proche dans famille ou bien si son moun qui étranger que ou pas jam wè ou on moun qui éloigné de ou supposé gen bon comportement avec tout moun. Il faut faire effort pour essayer pour agir bien avec tout l'autre moun et pour faire bien avec tout moun et pour que les l'autre moun interagir avec ou, c'est bien yo wè de ou même seulement. Yo pas ka joine an rien de mal dans ou même. Et li bay exemple de ça, les li mentionné pour nous enseigner moun ça qui bien et puis nous parle également inciter l'autre monde pour yo faire bonne action, pour yo faire le bien. Garder les liens de parenté, le bon comportement envers les parents, réconcilier les moun gen dispute pour nous réconcilier entre eux-mêmes et pour nous bay l'autre monde bon conseil. Nous pral bay bon conseil et également nous pral échanger bon opinion les nous konnon bagay nous bay bon conseil à l'autre monde et puis nous inciter le tout monde pour yo faire le bien pour yo obéir à Allah et en même temps nous décourager yo pour yo pas faire péché, pour yo pas désobéir, pour yo pas faire bagay qui l'aide ou bien pour yo pas di bagay ki l'aide. Gen moun yo pa pè Allah, yo pa pè Allah avec bouche yo et yo pa pè Allah avec action yo. Donc ou même ces musulmans ou yé, faut contrôler bouche yo. Faut contrôler action ou pas agir n'importe qui gens. Les moun ap gade ou le moun ap wè ou, yo connaît que ou son moun ki pa tant kou l'autre moun. Pour qui ça? Parce que son musulman ou yé. Et puis à respecter ou parce que ou respecter Allah et ou à respecter tout et ou pral inciter l'autre monde pour faire le bien et ou à encourager l'autre monde dans tout ça qui bon pour yo soit dans la vie d'ici bas ou bien qui bon pour yo également dans la vie de l'au-delà là y a rencontrer Allah azza wa jal au jugement dernier. Donc ou pral fait partie de monde qui t'est inviter l'autre monde à la guidance et au droit chemin et qui inciter et orienter l'autre monde vers la droiture et vers la vérité. Et gon l'autre cheikh, son l'autre grand savant de l'islam qui relait Ibn al-Qayyim al-Jawziya, li gon explication de verset ça tout dans un livre lio qui relait Madarij as-Salikin. Et li dit rahimahullah, li dit que Allah azza wa jal t'est réuni pour prophète là parce que avant ça l'étape commentée en parole, dans verset, dans Coran, dans parole de Allah Azza wa Jal, l'elle dit, Allah Azza wa Jal te dit à prophète li, sallallahu alayhi wa sallam, et ou certes, sous un comportement immense. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal a décrit le prophète là en disant que les gains ont un grand comportement. Il mentionne en série de narrations à propos de versets et puis ensuite il dit et dans Al-Bukhari et Muslim, un hadith authentique, Aïcha t'est rapporté, radiallahu anha, que les t'es gagné un monde qui était venu, ouais, Aïcha pour yo mandel en question à propos de prophète là, et pour yo mandel qui genre comportement prophète là t'ayé, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui répond moun yo, et lui dit, comportement li, c'était le Coran. C'est-à-dire que comportement prophète là, c'était Coran nan li t'ayé. Hein, li tapaji genre, Allah Azza wa Jal ordonné nous pour nous agir dans Coran nan. Yani. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, là, il t'a parlé de passage ça, et puis après ça, il commentait, hadith là, avec verset A, et il clarifiait. Il dit que Allah Azza wa Jal t'est rassemblé dans prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, la noblesse du bon comportement. C'est-à-dire, plus bon comportement qui existait. Dans verset 199 dans sourate Al-A'raf, là Allah Azza wa Jal dit prophète là, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. C'est-à-dire, hein, appelle, accepte, hein, de pardonner les gens, les mounap mal apaji mal avew, hein, ou pardonner yo, ou excuser yo, ou ordonner ça qui est bon, et ou détourner yo, hein, et ou écarter yo de moun qui ignorant. Li dit, Cheikh Lan dit, l'imam Ibn al-Qayyim, que Allah Azza wa Jal t'a rassemblé tout bon comportement yo nan prophète la sallallahu alayhi wa sallam à partir de verset ça. Il dit que Ja'far ibn Muhammad t'a dit Allah t'a ordonné prophète li sallallahu alayhi wa sallam li ordonné pour adopter les plus nobles comportements. Et pas gen l'autre verset dans le Coran qui pi global et qui rassemblait qui résumait tout bon comportement islamique là plus que verset ça. Donc ça signifie que verset ça, verset 199 dans sourate Al-A'raf, hein, son verset qui global qui résumait grande ligne de comportement islamique là. Et puis il dit ensuite l'imam Ibn al-Qayyim, il dit pas gain doute que un monde qui agit avec l'autre, les interagit avec l'autre monde, il y a trois situations possibles. Hein? Une situation ça, c'est que soit que l'ibral ordonne yo, ça qui bon, ou bien l'ibral interdit yo, ça qui mauvais. Et l'ibral soit ordonne yo ou interdit yo, ça qui nan intérêt yo et qui cap et tout ça qui bon pour yo. L'ibral ordonne yo pour yo faire ça qui bon pour yo et puis l'ibral interdit yo. Ça qui pas bon, hein, ça qui pas bon pour yo. Et deuxièmement, pour le prend ça, hein, qui obligatoire pour yo faire, hein, comme obéissance envers Allah Azza wa Jal. Et troisième situation, hein, eh bien ça son situation qui divisée en deux catégories. Ça on les on moun, c'est on moun qui allié avec ou et qui interagit bien avec ou. Ou bien un monde qui est ennemi avec vous et qui est opposé avec vous. Et gon obligation dans chacune de deux catégories. Donc, en ce qui concerne le premier catégorie de du fait d'ordonner et d'interdire, l'idée obligation vis-à-vis de Mounsayo, c'est pour ou ordonner yo le bien et pour ou interdire le mal. Et c'est le bien que vous pral ordonner yo, c'est le bien qui pral hein, bah yo, ça qui est en accord avec intérêt yo, hein, par rapport à ce bas monde ou l'au-delà. Et ou pral interdit yo, tout ça qui est en contradiction avec le bien. Et l'obligation vis-à-vis de savoir dépenser pour yo, dans ça qui est en obéissance pour Allah, c'est pour le prendre ça, c'est pour prendre de yo même, ça qui est facile pour yo. Et ça yo ka bay volontairement, c'est-à-dire qui pas vin on baga qui c'est pas on baga qui pral trop difficile ou trop lourd pour yo qui pral fait que yo pas capable supporter li ou bien yo pas capable faire. Et donc ou pas imposer yo on bagay que yo pas que yo pas capable faire ou bien qui trop lourd pour yo et que yo pas capable hein respecter li. Parce que si vous fait ça, eh bien, y'a révolté contre eux-mêmes, et y'a pas soumettre, y'a pas accepter. Et l'obligation vis-à-vis de monde qui est ignorant, pour y agir avec yo, faut l'y écarter l'y de yo. Hein? Les mouns ignorants ou pas, entrer avec yo dans ignorance yo, ou écarter tête tout de moun sa yo. Et si yo agit mal avec yo, ou pas remettre yo le mal, ou juste écarter yo. Et ou pas chercher, ou pas essayer prendre vengeance sous tête tout. Hein? Ou pas essayer venger tête tout de moun sa yo. Les yo ignorants ou juste détourner tête tout de yo même. Parce que Allah Azza wa Jal te dit à prophète li, sallallahu alayhi wa sallam, hein, wa a'rid 'anil jahilin. Yani, prend moun yo par le pardon, hein, pardonne yo, ordonne yo le bien, et écarte tête tout de sa qui ignorant yo. Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, yon nan compagnon yo, sallallahu alayhi wa sallam, compagnon prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, li dit, Allah Azza wa Jal, nan verset ça, li ordonne prophète li an, sallallahu alayhi wa sallam, Allah te ordonne prophète li, pour accepter le pardon, en ce qui concerne les comportements, des hommes. Jean moun yo a pas agi avec, pour pardonner yo, les yo mal agi. Et, on l'autre savant, on l'autre parmi tabi'in yo, élève compagnon yo, Mujahid, qui était un grand savant de tafsir, lui dit, les Allah Azza wa Jal dit, khudil afwa, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal a ordonné prophète lien, sallallahu alayhi wa sallam, pour le prendre comportement moun yo avec, les lapage avec, par le pardon, hein, puis pour le pardonner yo, les yo, agit mal ou bien les yo pas agit comme il faut, hein, sans spécifier, hein, c'est-à-dire que l'imam des prophètes là ou l'ordonné prophète là pour l'accepter, hein, pour le pardonner, comportement moun yo, sans spécifier, c'est-à-dire l'y pas spécifier qui genre de mauvais comportement que moun yo ka gagne, c'est-à-dire que l'y ka entrer dans n'importe quelle catégorie de mauvais comportement ou bien de manquement, c'est-à-dire li bay exemple, si par exemple yo vini ou prophète là puis yo balion excuse, eh bien ça impliquait que prophète là sallallahu alayhi wa sallam a pas accepté excuse yo et puis lui l'a pardonné mounna et puis l'a excusé et les papes rentrer dans détail essayer chercher est-ce que mounna gon raison pour excuse ça ou bien si c'est juste prétexte que la baille ou pas besoin rentrer dans détail depuis moun nan vini ou pas li mal agi ou bien li pas agi correctement li mande excuse ou juste excusez-le ou pas besoin faire enquête bayay rentrer dans détail avec moun nan juste accepter ça le dit puis pardonner moun nan parce que ou pas ka li dit ou pas besoin commencer essayer de détecter si ça yo dit c'est la réalité qui nan cœur yo, hein, ou pas besoin essayer rentrer dans cœur moun yo ou juste prend parole yo nan ça yo dit extérieurement et yo vinn ba excuse ou excuser yo ou pardonner yo et puis ou quitter yo aller et cheikh l'a dit que li détaillé li rentre en pile détail dans explication de droit musulman yo qui mentionné dans verset ça et à propos de obligation religieuse qui mentionné dans verset ça et dans comportement que ou a adopté avec l'autre monde les ou a pas agi avec yo peu importe que moun nan son allié hein avec ou bien un ennemi qui gain opposition avec et animosité ou supposé agir avec le comportement qui ordonné par Allah avec tout moun sa yo nan verset ça Allah t'a expliqué dans verset a ou appliquer avec tout moun même si c'est ennemi ou que ce soit allié que ce soit ennemi ou pas j'ai avec yo Jean Allah azza wa jal ordonné nous dans verset ça et gon hadith qui t'est rapporté par l'imam muslim qui sont hadith authentique lié An-Nawas ibn Sab'an, rahimahullah, lui dit, m'témoin des prophètes là, sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la bonté et à propos du péché. Et prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, lui répond et puis lui expliquer que la bonté, hein, c'est bon, c'est le bon comportement. Et lui expliquer que péché a, c'est ça qui vient déranger dans cœur, hein, dans l'amour, hein, bah, il en vient troubler, et ou pas après, mais l'autre monde connaît ça. C'est-à-dire que péché a, c'est ça qui vient déranger en dedans, qui vient troubler, et ou pas après, mais que l'autre monde connaît ça, hein, bagaille là, c'est-à-dire péché a, son bagaille que l'air ou fait, ou bien l'air ou dit, son bagaille que les faut honte, hein, ou vient gêner de bagaille là. Ou pas après, mais que moun connaît que ou t'es fait, ou que moun connaît que ou t'es dit, c'est ça qui est réalité péché a. Donc, là où moun agit mal avec, eh bien, ou même, ou a pas agi bien avec lui. Les mentionné, prophète la sallallahu alayhi wa sallam mentionné que la bonté, c'est le bon comportement. C'est ça qui n'a à l'intérieur de poitrine, hein, de cœur moun yo, hein, de cœur l'être humain, hein, qui vient, déranger en dedans, qui vient, hein, troubler l'elfe bagay là, ou l'elle dit un bagay qui pas bon, ou l'elle fait un bagay qui pas bon, hein, li senti là dedans, li pas senti tête li en repos, hein, li dérangé, li troublé par péché a, et li gêné de péché a, parce que li pas après, mais moun connaît que le fait bagay ça, ou bien que le dit bagay ça, qui ça qu'on péché, c'est ça qui réalité en péché. Et ça son preuve que le bon comportement son bagay qui fait partie de religion, hein. Et que toute religion islamique, là, c'est en question de bon comportement lié. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est ça, lui explique, il dit que bon comportement, c'est religion en entier lié, hein. Toute religion, c'est le bon comportement. Et c'est la réalité de la foi. Et les principes et les règles de l'islam. Et c'est peut-être ça que l'ivin opposel, avec le péché. Il mentionne en premier que la bonté, c'est le bon comportement, et après ça, l'elle clarifie ça que péché a, hein, il vient expliquer que c'est, en réalité, c'est le contraire du bon comportement. Ça qui vient troubler ou dans le cœur. Là où font une belle action, ou pas gain trouble dans le cœur, ou pas sentir ou mal, hein, mais là où font un péché, ou sentir ou mal dans le cœur, parce que vous connaissez que ça vous fait pas bon. Donc c'est ça qui différence là. Et c'est peut-être ça que Savanté dit, moun ki gen pi bon comportement passé ou, eh bien li dépassé ou nan religion. Donc li cher lan li dit alors faut nous faire un pile effort, hein, faut faire un pile effort pour gen un bon comportement et pour adopter un comportement et un caractère qui noble avec ou même avec propre tête ou un bon comportement avec propre tête ou. En premier avec ton Seigneur, avec Seigneur ou gen bon comportement avec Allah. Et ensuite, avec propre tête ou gen bon comportement avec propre tête ou, c'est-à-dire, hein, ou pas désobéir à Allah, ou pas faire ça qui pas bon, et en même temps, ou gen bon comportement avec tout le monde. Donc, ou les moun a parlé de bon comportement, parfois, yo fait allusion avec le bon comportement envers l'autre monde. Pas gain doute que ça son bagage qui fait partie de l'islam et qui est très important à l'islam que vous supposez adopter un bon comportement avec l'autre monde. Que ce soit il y a ni monde qui musulman ou monde qui pas musulman. Vous supposez gain bon comportement avec tout le monde. Mais gon l'autre aspect dans bon comportement que monde néglige parfois et que yo pas réalisé. Mais qui est plus important encore, et c'est le bon comportement envers Allah Azza wa Jal. Parce que si vous n'avez pas bon comportement envers Allah, qui j'en vous prêle un bon comportement envers propre tête et envers l'autre monde? Ce n'est pas possible. Et Cheikh l'a expliqué que bon comportement, ce n'est pas qu'à établir, excepté si nous respectons quatre piliers, quatre principes. Nous pas qu'à concevoir que un monde pral gon bon comportement excepté s'il respectait quatre piliers sayo. Donc le premier, c'est as-sabr. As-sabr qui signifie la patience et l'endurance. Faut gain patience avec moun. Sinon ou pas capable gain bon comportement avec yo. Deuxièmement, al-iffa. Al-iffa qui s'allie, c'est la modestie, la pudeur, la modestie et également qui s'allie, yani c'est que ou pas mander l'autre moun en rien. Le troisième pilier, ash-shuja', c'est-à-dire le courage. Faut courageux ou pas qu'à lâche. Hein, faut gain courage. Et le quatrième, al-adl, la justice. Faut juste avec l'autre monde. Donc Cheikh Lan lui-même lui mentionne les quatre piliers yo. Il dit as-sabr, al-iffa, al-shuja' wa al-adl. C'est-à-dire la patience, la chasteté, le courage et la justice. Ça c'est quatre piliers du bon comportement islamique. Et quatre qualités ça yo, c'est yo même qui à l'origine de tout bon comportement musulman yo. Les ou à analyser par exemple la patience et l'endurance. Il dit juste qualité ça par exemple. Si ou adopte-le, eh bien bon paquet bon comportement qui a découlé de qualité ça. De même que ash-shuja, le courage, les hommes courageux a gain pile bel comportement qui a sorti de qualité ça. Les ou gagnel. Parce qu'un monde qui lâche, il pas gain bon comportement. Un monde qui est impatient, il pas gain bon comportement. Un monde qui est injuste, il pas gain bon comportement. Et un monde qui pas gain pudeur, qui pas gain chasteté, qui pas gain gêne, il pas gain bon comportement. Les un monde gain quatre qualités ça yo dans comportement li, dans personne li, l'a développé pi noble comportement, non comportement hein dans la plus haut degré de la noblesse dans son comportement, même si son monde qui pauvre, même si son monde qui pas l'école, mais l'elle gain belle qualité ça yo, li gain bel comportement ça yo, l'a dépassé tout noble, tout monde qui était grandi dans la noblesse, lui même avec ça le gain, hein, l'a dépassé yo dans comportement li. Les ou fâché ou pas quitter colère prend sous ou, hein, ou a contrôler colère ou. Les ou fâché ou pas quitter colère vin faire dépasser limite là, hein, les ou gain par exemple nafsou, hein, ou gain l'amour qui a poussé ou pour dépasser limite yo, pour transgresser limite islamique yo, ou pas suivre nan tentation ça, ou pas suivre l'amour, hein, ou pas suivre esprit ou nan passion ça yo, ou contrôler tête ou gain sobre, ou gain patience, et les ou gain patience, endurance, ou capable supporter, hein, les ou fâché, les ou gain colère, moun ap insulté ou moun kap mal agi avec ou ap contrôler tête tout, ou ap quitter moun sa yo fè ou vin enragé ou pral fè yo yani venger sou yo, ou bien ou pral agi avec violence avec moun yo, hein, ou ap les moun ap agi mal avec ou ap patienter avec yo, hein, ou pral agi avec en tête qui calme, qui posé, hein, qui ou pral agir avec miséricorde avec moun yo, ou pral agir avec douceur avec moun yo, ou pas agir sauvagement, hein, tant qu'ou moun fou, non, ou ap contrôler tête tout, hein, et la chasteté, la chasteté, l'iffa, eh bien la pousse pour interagir avec moun avec un comportement qui noble, tout ça qui l'aide, tout ça qui vulgaire, tout ça qui obscène, tout ça qui sale, ou ap éloigné ou de bagay sa yo, parce qu'ou gen iffa, ou gen chasteté, hein, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans paroles, ou pas di bêtise, ou pas di gros mots, ou pas di bagay qui l'aide, ou pas di bagay qui sale, et nan comportement tout façon wap habye façon wap pale façon wap bouge hein façon wap agi avec moun ou toujours gen respect wap agi respectueusement avec tout moun et vous pral adopter à cause de ça un comportement qui noble hein un comportement qui très grand très noble très important et comportement ça c'est un grand couronne sous tête tout hein wap gen pudeur hein ou ab gêné devant ça qui mauvais devant ça qui mal et grand pile moun yo considéré que gêne son timidité a gêne son défaut lié hein en pile koufar yo c'est ça yo pensé là on moun timide là on moun gêné que ça son bagay qui mauvais au contraire pudeur a timidité a ça nous relé en arabe al haya min al iman, il fait partie de la foi. Et Cheikh Lan lui-même lui expliquait que le ou gen haya, le ou gen pudeur, le ou gen timidité, le ou gen gêne, eh bien ça c'est la tête de tout le bien. Et prophète là sallallahu alayhi wa sallam, il était dit la pudeur, hein, al haya, li pas venu excepté avec le bien. C'est-à-dire tout ça qui gen pudeur là-dedans, li bien. Même Jean prophète là t'a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est la pudeur qui protégeait un monde pour pas tomber dans débauche, pour pas tomber dans péché, pour pas tomber dans zina, hein, fornication, adultère. C'est ça qui menait une femme pour couvrir col, elle a sorti dans la rue, il pas montré tout col. Hein, il pas mettre rad sous les cap dévoiler, cap montrer tout détail colli, toute forme li cap sorti dans la rue. Hein, tant qu'une femme qui pas gain gêne. Et même là ou a regardé yani subhanallah, même femme qui par exemple ou est dans chrétien yo, là y a l'église, ou est femme yo pral l'église, supposément l'église son côté que yo pral adorer, que yo pral prier. Et puis là ou avec Jean y a pas bien, tout corps yo dehors. Yo montrer tout détail corps yo avec vêtements qui dévoilent toute femme yo. Et ça son grand péché lié, c'est un bagage grave, mais yo pas gen honte, yo pas gen gêne. C'est peut-être ça grand pile moun vagabond pour qui ça y a l'église, y a l'église pour yo joindre femme seulement. C'est peut-être ça les yo musulman par exemple, musulman les yo entre dans mosquée, gon séparation avec homme et femme, yo pas prier dans même côté a, hein? Femme yo prier derrière et puis yo voilé, yo couvert toute tête yo de la tête aux pieds, yo mettait djilbab. Hein, les koufars, les chrétiens yo wè ça, yo di ah, qui religion ça? Nous pas même ka wè femme yo ki jan yo ye. Nous pas ka hein. Allah al-musta'an, parce que c'est comme ça yo ye. Mais ouais que l'islam son religion de iffa, une religion de pudeur, de chasteté. Hein, même en plus dans la façon de s'habiller et dans tout comportement ou ainsi que ou pas tomber dans péché ou faire médisance ou parler dans do moun hein tout bagage ça c'est grave et les ou gain justice eh bien ou pral gain justice dans comportement ou avec l'autre moun et ou pral établir justice là dans gens ou pas agir avec moun ou pral un monde qui équilibré hein qui gain équilibre dans façon la page ya. Ou pas tomber dans négligence dans laxisme négligence ou pas tomber dans extrémisme et ou pral à cause de ça ou agir avec générosité hein et ou pral agir avec hein largesse les ou aider l'autre monde ou agir avec l'autre monde avec générosité hein ou pas chiche avec l'autre monde et ou pas agir avec ou pas capon tant que monde qui paie dans toute bagaille yo paie monde non ou gain courage ou gain force ou dit la vérité ou pas paie monde hein ou paie Allah azza wa jal. Il dit qu'un pile l'autre bagaille que nous ka expliqué à propos de quatre piliers ça yo. Il dit faut connait ba ça, il faut convaincu dans ça. et faut appliquer elle. Et si vous appliquez elle, vous avez réussi, vous avez une réussite. Il faut avoir une certitude à propos d'Allah Azza wa Jal. Parce que si vous avez confiance en Allah Azza wa Jal, vous mettez confiance en Allah, Allah Azza wa Jal pour l'aider vous. Et il a mis vous sur le droit chemin. Et il prend le bon succès. Et l'a réformé ou l'a aidé ou pour réformer tout. Et l'a mis sous la droiture. Et à la fin, Cheikh Lan lui fait un doua pour, hein, pour tout le monde, lui dit que, lui demande Allah Azza wa Jal, pour le banou, dans grâce lio, et pour le nibay, libay nous, hein, l'accrochement, pour que nous accrochions sous la droiture, pour nous rester crampés sous vérité, hein. Et pour nous rester sous guidance là dans religion hein, pour nous continuer à suivre sa prophète là t'es enseigné sallallahu alayhi wa sallam et les nous terminer nous dit louange à Allah le Seigneur des mondes et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille et ses compagnons wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, terminer explication ou traduction explication Cheikh Lan dit et puis c'est en traduction que m'tap fait qui en traduction simultanée, c'est-à-dire que m'a écouté audio et en même temps que m'a écouté li m'a fait traduction en même temps, donc m'connais que traduction li prend un peu le temps, malheureusement son bagage qui est long, mais inchallah m'pral faire édition en enregistrement pour me couper espace qui vidéo pour que traduction plus fluide, donc l'en a écouté sous cette là inchallah la plus facile. Même remercier tout frère qui t'est patienté avec moi hein, pendant la traduction ça et qui écoutait avec patience tout ça Cheikh Lan t'est expliqué et nous demander Allah Azza wa Jal pour récompenser Cheikh Lan pour tant que le passé avec nous et pour tant que le bail nous pour lui expliquer nous principe islamique yo par rapport au bon comportement, parce que ça sont un bagage qui extrêmement important en particulier pour moun ki nan Caraïbes yo, parce que nous connaît que il caribéen yo c'est côté en pile moun vini nan pays développé yo soi-disant pour yo vinn passer vacances et yo profiter pour yon vin faire un pile péché nan il nou yo. Donc faut nous connaître que nous gon responsabilité, parce que grand pile moun yo comprendre que tourisme hein son bagay qui relie avec le péché, sauf que pour nous mêmes musulmans nous gon l'autre définition de tourisme et son les là nous fait tourisme c'est pas pour nous faire pêcher hein, mais c'est pour nous profiter de toute belle bagaille que Allah t'a créé et pour nous reconnaissant envers lui, donc pas supposé gain péché dans ça. Malheureusement là où elle dans Caraïbes c'est shirk, c'est coffre, c'est zina, c'est l'alcool, c'est drogue, hein, c'est turpitude, débauche, en pile bagaille que Allah par aimé. Et c'est pas surprenant là où est que chaque année, qu'on paquet de tornades, on paquet de tremblements de terre qui a tombé sous pays caribio. Et moun yo, chita y a mandé tête yo, mais pour qui ça, n'a souffri en pile? Pour qui ça, toute bagaille ça y a tombé sous nous? Et yo pas réalisé que c'est parce que yo a désobéi à Allah, y a transgressé tout commandement Allah, eh bien, Allah Azza wa Jal, il fait tomber punition sous tête yo. Et yo pas aimé ça. Et me tendez une fois qui t'a dit ça justement. Il dit c'est pas vrai que wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Il dit c'est pas vrai que Dieu a puni nous parce que gen l'autre pays qui fait en pile péché tout et puis yo pas gen châtiment. Et mon quoi c'est on un ancien en tout cas mon ancien pasteur un prêtre qui était à Haïti qui t'a dit ça et puis il t'a fait allusion aux États-Unis tant qu'au pour dire que États-Unis Allah pas puni yo parce que yo pas gain hein yo pas gain même situation que ça yo gain en Haïti par exemple. Sauf que n'importe qui monde qui connaît la réalité et qui observe ça qu'a fait aux États-Unis, lui qu'a comprendre que Allah a puni tout. Parce que là aux États-Unis, c'est même genre avec Haïti tout, grand pile tornade, grand pile inondation, gain en pile catastrophe qui rive chaque année. Gen feu, gen tornade, gen raz-de-marée, gen inondation. Gen en pile l'autre bagarre qui rive tout. Hein, catastrophe qui tombe sous yo, c'est punition que Allah ba yo. Parce que tout monde, tout peuple qui désobéit Allah, Allah obligé puni yo. Et soit son si c'est croyant, eh bien son expiation pour yo, Allah a effacé péché yo. Mais si c'est koufar, c'est punition qui tombe sous tête yo, parce que yo pas croyant en Allah. Ala kulli hal, nasallallah at-tawfiq was-sadad wal-huda war-rashad, innahu waliyyu dhalika wal-qadiru alayhi. Wa ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.